LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Chère madame, j'écris pour appuyer l'attitude de votre correspondant téléphonique du 19 novembre 1974 qui souhaite rester sans enfant. La société, en effet, par la radio, votre émission, la publicité, la presse féminine, ne s'intéresse qu'aux ménages qui ont des enfants. Les autres n'existent pas. Non merci, pas d'enfants. Une série de Manon Prigent, réalisée par Anne Fleury. Aujourd'hui, changer d'avis ou pas. Petits arrangements avec sa conscience féministe. Bon, admettons que ce soit une attitude compréhensible, puisque dans le cas contraire, elle encouragerait sa propre disparition. La société se défend et vous la défendez. Mais ce que je trouve agaçant, c'est que d'individu à individu, on essaie de culpabiliser les couples sans enfants. Car ce monsieur en question, vous rendez-vous compte que vous contribuez, vous, Ménie Grégoire, à lui faire sentir qu'il n'est pas comme les autres ? Et qui sait si, sous cette pression maintenue, il ne finira pas, lui aussi, par faire des petits, pour être comme ses voisins ou ses copains ? Alors qu'il a sans doute d'autres aspirations et qu'il essaie de suivre sa nature profonde, ce qui est souvent difficile. Et puis dites-moi, à quoi est-ce que cela rime ? De passer les meilleures années de sa vie à faire de l'élevage pour reporter sur ses enfants toutes les espérances qu'on n'a pas pu réaliser soi-même, enfants qui, à leur tour, ne faut-il pas de temps à autre interrompre cette course et prendre son temps ? Ou faut-il indéfiniment sacrifier à des tâches matérielles et éducatives ? La race humaine n'est pas sur le point de disparaître. Alors, et la joie de respirer libre ? Triste vieillesse, dites-vous, comme si les personnes abandonnées ne l'étaient pas le plus souvent par leurs propres enfants. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Si ce monsieur bascule dans la caste des parents, que ce ne soit pas par faiblesse. J'espère également, chère madame, que ma lettre permettra d'envisager dans vos prochaines émissions qu'il existe aussi des ménages heureux, épanouis et sans enfants. ML, 39 ans, mariée depuis 16 ans. C'est une lettre parmi les milliers que Ménie Grégoire a reçues. De 1967 à 1981, son émission de radio sur RTL diffuse des messages d'auditeurs et surtout d'auditrices, soucieuses d'aborder les problèmes de leur vie intime. Ces lettres donnent le pouls d'une France qui change, qui formule de nouvelles craintes, de nouveaux problèmes, de nouveaux désirs aussi. Et parmi eux, celui de ne pas avoir d'enfants. Les lettres qui en font état ne sont pas nombreuses, elles émanent d'une poignée d'individus, à une époque où commencent tout juste à résonner des slogans féministes tels que « un enfant, quand je veux, si je veux ». Les femmes et les hommes qui témoignent dans cet épisode sont nés entre les années 50 et les années 90. Tous ont été touchés de près ou de loin par les revendications féministes des années 70. Avec le combat pour la contraception et l'avortement, la maternité et la paternité ont plus que jamais été pensées comme un choix. Mais ce choix peut-il être tenu toute une vie ? Le démographe Laurent Toulmont apporte une observation surprenante. La majorité des gens qui disent ne pas vouloir faire d'enfants finiront par en avoir. Ils se feront « coincés par la vie », pour reprendre ces mots. A l'inverse, les personnes qui n'auront finalement pas d'enfants étaient plutôt de ceux qui en voulaient. La notion de choix paraît soudain plus complexe. Qu'est-ce qui nous détermine ? Comment gère-t-on les tiraillements entre ses aspirations intimes et ses convictions, notamment féministes ? Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc énorme, qui m'a dit « Oui, en fait, vous dites ça, parce que maintenant, c'est trop tard, vous ne pouvez pas dire autre chose. Vous ne pouvez pas dire « J'aurais aimé avoir des enfants, donc vous dites « J'ai pas eu envie ». C'est-à-dire, il ne pouvait pas concevoir l'idée que c'est... Et donc, j'ai réfléchi autrement, et je me dis « Mais en fait, c'est même pas envie. Ça ne m'a pas travaillé, quoi. » Bon, je m'appelle Martine et j'ai 74 ans bientôt et voilà, j'habite ici seule. Et ici, on est où ? On est à Lavaur, dans le Tarn, pas très loin de Toulouse et de Gaillac. Alors, vous savez ce qui m'amène ici ? Ben oui, vous voulez m'interroger sur une décision que je pense n'avoir jamais prise, tellement il y avait des évidences pour moi, ne pas avoir d'enfant, voilà. On ne m'a jamais interpellée là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais on en parlait encore récemment avec deux jeunes amis qui trouvaient étonnant que je n'ai pas été bousculée par cette question. Et moi, je pense que je fréquentais des filles qui étaient un peu dans la même dynamique que moi, et je l'ai perdue un peu de vue quand elle changeait d'avis, parce que changer d'avis, c'était changer de vie. Et ça va pas plaire, mais elles étaient encombrées d'enfants et ça m'intéressait pas. Quand vos amis sont aux aguets parce qu'ils ont un bébé à surveiller en permanence, et puis finalement, ils parlent que de ça, quoi. Ils sont captifs. Ils sont dans l'élevage. Et dans l'amour, mais bon. C'est pas excluant, c'est pas ça. C'est simplement que c'est pas forcément intéressant pour celui qui en a pas, quoi. Et puis, il faut dire que ma génération, hein, puisque j'ai dit mon âge, vous savez en quelle année il y a eu le droit à l'avortement. Donc j'ai appartenu à une génération qui devait quand même maîtriser sa contraception, sinon se retrouver asservie. Asservie à la même condition que nos mères. Et franchement, ça ne nous faisait pas rêver. Donc mes copines elles n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas de projet d'enfant. On avait juste envie de profiter de la vie, de ne pas être encombrées par une vie familiale et pas forcément dans un projet marital non plus. Parce qu'il y avait ça derrière nous, il y avait ces grosses casseroles quand même. Le 22 janvier 1979. Jusqu'ici, je n'ai trouvé que ma belle-sœur et mon frère pour partager mes vues. Et chaque fois que j'ai osé dire que je refuse la maternité, j'ai été regardée comme une misanthrope. J'ai choisi le célibat. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une vie sexuelle équilibrée. J'aime les enfants des autres, mais je refuse formellement d'en mettre un au monde, car je trouve inacceptable et dégradant d'être obligée de souffrir, physiquement et moralement, pour obtenir ce que les hommes ont si facilement. Je voudrais pouvoir être ligaturée, car les contraceptions et ses effets secondaires, j'en ai assez. Seulement, comme je n'ai jamais été mère, tant pis pour moi, je n'y ai pas droit car c'est irréversible. Comme si la naissance d'un enfant, ou deux, ou trois, ne l'était pas. Revenons à l'argument qui veut que l'on aime vraiment que ce qui est sorti de son propre ventre. Il me fait bondir chaque fois, tant il est conventionnel et ridicule. Car cela voudrait laisser entendre que les hommes ne sont jamais capables d'aimer leurs enfants, ou qu'un enfant adopté ne peut pas être aimé comme un autre. Je me sens un être humain, et je crois que c'est l'essentiel. Comprenez-moi bien. Je suis femme, et c'est un hasard. Et partout où je suis, mes droits d'être humain sont bafoués parce que je suis une femme. Je lutte contre ceux qui les bafouent. C'est pourquoi je pense honnêtement pouvoir me considérer comme féministe, ce qui ne signifie pas ennemi des hommes. Laurent Toulmont, démographe. Dans les années 60-70, le fait de rester sans enfant était très peu présent dans le paysage, à part quelques... Alors évidemment, il y a toujours le couple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, un couple libre, pas exclusif, pas cohabitant, sans enfant. Mais c'était vraiment l'exception. Et la plupart des combats des femmes pour maîtriser leur fécondité avec le droit à la contraception et le droit à l'avortement, c'était pas du tout un refus de l'enfant. Au contraire, c'était plutôt l'idée d'avoir des enfants quand je veux, si je veux. Et donc, c'est plutôt pas trop d'enfants et pas trop vite. Mais le fait de rester sans enfant est arrivé comme une revendication politique ou sociale de façon beaucoup plus tardive et en France de façon beaucoup, beaucoup plus limitée que dans d'autres pays. Donc, il y a aujourd'hui un peu plus de femmes qui restent sans enfants ou d'hommes qui restent sans enfants qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais on peut dire, il y a 30 ou 40 ans, on était dans une situation très paradoxale où les premières générations, disons post-68, qui ont bénéficié de la libération des mœurs, de l'accès à la contraception, de l'accès à l'avortement, ce sont dans ces générations-là qu'il y a eu le moins de personnes sans enfants. Finalement, la remise en cause vraiment du fait d'être mère et que ce serait pas féministe d'être mère ou qu'il ne faudrait pas être mère par féminisme était pas du tout si importante. Camille Masclet, sociologue. Ce que moi j'ai pu voir donc dans mon enquête et notamment dans la partie aussi d'enquête par questionnaire qui m'a permis de retrouver un nombre assez significatif de femmes qui avaient été engagées dans ces mouvements, c'est que dans les années 70, il y a déjà un grand nombre d'entre elles qui ont déjà des enfants. voir parfois des enfants assez âgés, ce qui peut leur redonner une certaine disponibilité. Et surtout, on observe que c'est au fil des années 70 que de plus en plus d'entre elles ont des enfants. Et puis, quand on regarde leur trajectoire dans le temps long, donc pas uniquement dans les années 70, et qu'on compare statistiquement avec leurs contemporaines, donc avec des femmes de génération d'âge et de position sociale comparable, en fait, elles se distinguent assez peu de leurs contemporaines. Et même quand on lit là, les archives sur le désir d'enfant, enfin, quand elle s'interroge sur le désir d'enfant, c'est moins sous l'angle, à un niveau individuel en tout cas, de « est-ce que ce n'est pas féministe d'avoir des enfants ?» que sous l'angle de peut-être voilà, avoir des enfants avec un homme ou quels effets en termes d'autonomie, etc. Donc je pense que c'est aussi une relecture a posteriori, un questionnement quelque part aussi à partir d'aujourd'hui qui ne se posait pas exactement de la même manière dans les années 70. Je crois qu'on a eu quelques discussions autour de la trentaine avec des copines qui n'avaient pas de désir d'enfant ou qui n'avaient pas de projet. On ne l'a pas abordé en tant que désir, mais projet. Et moi, je disais que j'avais pas de... Je plaisantais, je disais, c'est hormonal. Et quand j'y repense, parfois, je me dis, mais oui, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous égaux. Et peut-être que je n'avais pas ça. Ce désir, il n'était pas alimenté par la chimie de mon corps, quoi. Je crois que ça les avait un peu choqués que je dise ça. Enfin, amusés. Et donc, je ne sais pas si elles y ont réfléchi. Alors que pour moi, c'était le début d'un questionnement sur le fait que peut-être c'était aussi simple que ça. Et ce n'était pas du tout politique. C'était mon désir de liberté, ça rangeait bien de ça. Ces femmes qui étaient engagées dans les mouvements féministes dans les années 70, quand je les rencontre au moment de mon enquête, donc en 2013-2014, parmi celles donc, qui n'ont pas eu d'enfants, aucune ne fait un lien explicite entre ce choix et leur engagement féministe. Plus généralement, en fait, parmi celles qui sont dans cette situation-là, il y en a assez peu qui vont le présenter comme un choix. Les femmes que j'ai rencontrées qui n'ont pas eu d'enfants vont par exemple faire part du fait qu'elles ont eu un désir d'enfant qu'elles n'ont pas pu satisfaire. Donc c'est un peu, disons, deux pôles opposés, avec d'un côté celles où c'est vraiment délibéré, celles qui avaient un désir d'enfant mais qui n'ont pas réussi, et puis entre, je dirais que la plupart des femmes sont dans une situation un petit peu intermédiaire, où en fait il y a différents facteurs qui sont entrés en jeu, différentes logiques, et qui vont présenter dans le récit de leur trajectoire l'engagement féministe comme un élément parmi d'autres, mais qui refuse de tout expliquer comme ça. Je peux pas dire que ça a été une conviction. Je m'étais pas franchement posé cette question-là. Ça s'est pas présenté. Françoise. Et en fait, ma question, c'était plutôt, comment se fait-il que moi, avec tous les hommes que je rencontrais, alors je les rencontrais dans le milieu militant, bien sûr, milieu de la musique, dans le cadre de mon travail, tout ça. En fait, bon, j'ai quand même eu des relations, bien sûr. Eh bien, la question ne s'est jamais présentée. Voilà. Donc, pour moi, donc, de côté, c'était assez tranquille, hein, puisque personne ne m'a demandé, tiens, j'aurais envie d'avoir un enfant avec toi. La question s'est jamais posée. Et c'est plus ça qui m'a posé de questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que moi, on ne me demande pas? Voilà, parce que quand même, refuser à dire non, j'en veux pas, mais j'avais même pas la possibilité de le dire, puisque ça ne se présentait pas, quoi. Et vous pensez que vous auriez refusé si on vous avait... Ah ouais. Parce que pour moi, il y avait cet enfermement derrière. C'est-à-dire que ben, finalement, un enfant, c'est un lien qui est indéfectible avec une personne. Je n'ai aucune confiance... Je n'ai jamais eu aucune confiance avec les hommes avec qui j'ai été, y compris encore aujourd'hui. Le problème pour moi, c'était le père. Donc, ce n'était pas possible. Je ne me suis jamais imaginée avoir des enfants. Par contre, j'ai été enceinte par accident, je dirais. Bon, les trois personnes avec lesquelles j'ai vécu le plus... Il y en a une, bon, il était musicien, il avait déjà deux enfants, donc pour lui c'était impossible d'avoir un troisième enfant. De toute façon, avec la vie qu'il avait, c'est clair que c'était pas possible. Et ensuite, pour mon conjoint actuel, parce que là j'ai posé la question quand même, et il me dit c'est comme tu veux. Et là, j'ai dit, ben non, c'est pas comme je veux, ça se fait pas comme ça. Donc là, j'ai dit non. Là, alors, parce que peut-être que j'aurais été avec quelqu'un qui aurait eu des arrêts. Peut-être que j'aurais flanché, en fait. Peut-être. Mais j'en suis même pas sûre, quoi. Puis quand on vous répond, ben c'est comme tu veux, si tu veux. Ben... non, c'est pas possible, quoi. C'est. Alors, si on s'intéresse à des évolutions de beaucoup plus long terme, et si on compare par exemple à ce qui se passait il y a une centaine d'années, on peut dire que le fait d'avoir des enfants, ça a été une grande conquête du XXe siècle. Et les femmes qui sont nées par exemple vers 1900, il y en avait beaucoup qui étaient sans enfants, à peu près un quart des femmes sont restées sans enfants dans ces générations-là, c'est-à-dire beaucoup plus que les femmes qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans. Et à ça, il y avait deux raisons. D'abord, il y avait beaucoup plus de personnes qui ne vivaient pas en couple. Il y avait des difficultés, disons, pour trouver des conjoints. Alors, indépendamment de la guerre de 1914 qui a fauché les hommes, mais même, il y avait des femmes qui restaient sans vivre en couple. Notamment, il y avait beaucoup de métiers, des employés de maison, par exemple. Elles avaient du mal à se mettre en couple. Et il y avait beaucoup de métiers qui étaient incompatibles avec la maternité. Des métiers d'ouvrière, mais aussi et notamment des métiers d'employé de maison, où si une femme tombait enceinte, elle perdait son emploi. Et pendant tout le XXe siècle, grâce à deux progrès énormes, tout d'abord l'amélioration de la médecine, le fait que la crainte de mourir en couche a quasiment disparu, et puis deuxièmement, le salariat féminin a permis que non seulement les accouchements se passent de plus en plus à l'hôpital dans des conditions convenables, mais en plus, après le fait d'avoir un enfant, il est possible de retrouver un emploi parce qu'il y a des garanties de retour à l'emploi une fois la naissance. Et depuis, disons, une cinquantaine d'années, grâce à la contraception et l'avortement, le fait d'avoir des enfants, c'est de plus en plus une question de couple. Les gens se mettent en couple sans forcément avoir de projet pour rester ensemble sur le très long terme. Le couple va se former progressivement. Et la question de savoir si on veut faire un enfant et si on veut faire un enfant ensemble, c'est comme la question de savoir si on veut vieillir ensemble. C'est des questions qui ne se posent pas au début de l'union, mais qui se posent plus tard. Donc, si on se pose cette question, ça veut dire qu'on se donne la possibilité de rester sans enfant. Camille, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire vis-à-vis de ce qu'on appelle le désir d'enfant ? Mon désir, en fait, c'est plutôt mon non-désir d'enfant, puisque moi, depuis un peu plus de 20 ans, je ne veux pas d'enfant. Ça, c'est... Voilà, je ne veux pas d'enfant. Et donc, spoiler alerte, j'en ai eu un. Et c'était un choix, c'était pas un accident. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, là, cet enfant a un an et demi. Et quand pendant 20 ans on n'a pas voulu d'enfant, en fait, ça se disparaît pas du jour au lendemain. En fait, je veux toujours pas d'enfant. C'est paradoxal, mais du coup, je me retrouve avec pas mal de contradictions et de c'est assez complexe pour moi. Et en fait, mon parcours à 16 ans, je sais que j'étais amoureuse et qu'avec mon chéri, on savait qu'on voulait pas d'enfant. C'était assez évident. Et avec cet amoureux, en l'occurrence, j'aurais été capable de vieillir. Sans enfant. Et avec l'amoureux actuel, non. D'abord, lui, il avait un désir d'enfant fort. C'est une question qui s'est posée au bout de quelques années. Et moi, je lui ai dit que je pouvais pas lui garantir qu'un jour j'en aurais envie et qu'aujourd'hui j'en avais pas envie. Donc la question s'est posée de est-ce qu'il va en faire avec quelqu'un d'autre ailleurs ? Est-ce qu'on se sépare ou pas ? Et il a fait le choix de rester avec la possibilité de ne pas faire d'enfant avec moi. Et c'était assez beau comme marque d'amour. C'était chouette. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, une psychanalyse de 3 ans et demi qui... Parce que oui, il y avait quand même cette idée que j'en voulais pas. Et puis je m'étais dit, bon, et puis je me poserai la question à 30 ans. Arrivé à 30 ans, je me dis, oh là là, j'ai pas du tout envie de me poser la question. Je me reposerai la question à 35 ans. Et arrivé à 35 ans, j'ai dit, oh, mais j'ai toujours pas envie de me poser la question. Mais il y a cette fichue horloge biologique qui est là. Donc, si t'en veux pas, faut que ce soit pour des raisons... faut que ce soit construit, pas pour des mauvaises raisons. Parce que vous sentiez que la raison qui pouvait vous pousser à ne pas en vouloir pouvait être liée à quelque chose d'un peu douloureux. Oui, ma maman nous a abandonnés. Et donc moi, je me suis retrouvée avec ce poids-là sur les épaules. Et je me suis dit, dans quelle mesure mon histoire à moi impacte mes choix et dans quelle mesure je suis libre de ces choix-là. Pour moi, avoir des enfants, c'est être papa. Mon papa a été génial. Et même, je sais que c'est quelque chose que j'avais formulé, c'est que je voulais être papa. Ça, j'ai jamais voulu être maman, mais être papa, ça me paraissait accessible. Et le premier truc, en fait, je pense que j'ai cherché, c'est est-ce qu'on peut être mère et cool, et est-ce que ça peut être chouette d'être maman ? Je cherchais des modèles, d'un côté de maman cool, d'essayer de trouver des mamans cool, et de l'autre côté, des femmes qui avaient choisi délibérément de ne pas avoir d'enfants, et que ce ne soit pas par des contraintes qui pouvaient être une stérilité de l'un, de l'autre, être pas en couple, ou être en couple homosexuel, enfin voilà, pas de barrière logistique, et un vrai choix. Et à part Simone de Beauvoir qui a... Enfin, est-ce qu'il y a des gens normaux, en fait, qui n'ont pas une œuvre à accomplir et qui, juste dans la banalité de la chose, sont heureux et épanouis sans être des génies, pour autant. Le 29 septembre 1975. Cher Ménie, j'écoute régulièrement vos émissions qui sont vraiment très bien et réconfortent certainement beaucoup de personnes. Tout d'abord, je tiens à dire que j'aimerais que nom et prénom ne soient pas dits. Je ne sais pas si ma lettre retiendra votre attention, car le sujet peut paraître ridicule. Une chose si naturelle. Lorsque j'étais petite, je rêvais d'avoir des enfants, normalement. Je suis mariée depuis 2 ans, j'ai 21 ans. Nous nous entendons très bien, surtout sur le plan physique. Le fait d'avoir un enfant provoque en moi des angoisses. Si bien que mon mari et moi-même avons décidé de ne pas en avoir. Tout d'abord, le fait d'être grosse pendant 9 mois, les visites gynécologiques et accouchements, le fait de ne plus avoir de rapports sexuels pendant un certain temps après, tout cela provoque une très forte inquiétude en moi. J'aimerais tant savoir s'il y a des femmes comme moi, ou ai-je vraiment un problème particulier. Dans l'espoir que ma lettre retiendra votre attention, vif remerciement, Françoise. Et donc j'arrive à peu près à 35 ans. Entre-temps, je trouve une amie qui a peut-être 10 ou 12 ans de plus que moi, qui elle a 3 filles grandes, qui a fait des enfants très jeunes, et qui est une maman géniale. Et ça fait beaucoup de bien de voir que c'est possible. Ensuite, on saute quelques années. Je commence cette psychanalyse à 35 ans. Ça n'allait pas du tout à cette époque de ma vie et je voulais juste aller mieux. Mais je crois que le facteur déclencheur, c'était ça, il faut que je le règle et il faut que je trouve quelque chose. Et moi, ce qui me parlait à cette époque-là, c'était une psychanalyse. Et en l'occurrence, au bout de 3 ans et demi, à raison de 3 fois par semaine, j'étais très assidue. Je me suis quand même posé la question du regard des gens. Ça peut être futile, hein, et je voyais bien, je me disais, on ne peut pas faire des enfants juste pour la raison du regard de la société, sauf qu'on vit en société, qu'on n'est que ça, et que ça a fait partie de la balance, et que au moment où moi ça m'arrivait, et que j'allais arriver sur les 40 ans, ben, cette pression-là, elle existait, elle était là, et elle a fait partie de la décision, c'est sûr, enfin ça m'a influencé, c'est évident. Alors il y a la pression sociale qui m'a fait basculer, et je pense que le facteur le plus gros qui m'a fait basculer, c'est l'horloge biologique. C'est-à-dire que je suis certaine, mais vraiment viscéralement, que si, en tant que femme, je pouvais faire des enfants jusqu'à 80 ans, j'aurais repoussé tout le temps le moment de le faire. Et je n'en aurais jamais eu. Mais c'est évident. Et je ne regrette pas de l'avoir fabriqué, cet enfant-là. Il est merveilleux. Mais... Ouais, encore une fois, si j'avais pu le fabriquer jusqu'à ma mort, je pense qu'il n'aurait pas été dans ma vie. J'aurais pas choisi d'en faire un tout de suite et j'aurais repoussé. Et peut-être que j'aurais eu une nécessité à 70 ans, mais j'y crois assez peu. S'il y a une chose dont je me félicite, c'est en fait d'avoir pensé toute ma vie ça, que je ne voulais pas d'enfant, et en fait d'être arrivée à ne pas en avoir eu. Donc, Françoise. En plus, je dois dire que j'ai quand même eu une grande chance dans ma vie. J'ai été ménopausée très tôt. Donc effectivement, là, c'est super parce que voilà, ménopausée à 40 ans, c'est une libération. J'ai vécu toute ma vie de femme, en fait, avec cette crainte d'avoir un enfant. Et sur tous mes agendas, de ma période jusqu'à ma ménopause, il y a toutes mes dates de règles qui sont marquées. Parce que c'était important, quand on ne veut pas d'enfant, on est dans cette crainte permanente, dans ce contrôle permanent de notre corps. C'est biologique. Et est-ce que vous enviez les hommes et leur possibilité de ne pas contrôler, de pouvoir choisir ? Alors, non, je ne les envie pas. Parce que, en fait, bon, ma vision du monde masculin, elle est assez déplorable, en fait. Parce que j'ai autour de moi, y compris des hommes qui sont des amis, je peux dire, qui, ben, à 50 ans, 60 ans, ont un autre enfant, ils disent « Ah ouais, mais j'en voulais pas. » Mais comment ça, t'en voulais pas? Mais enfin, attends, tu pouvais prendre tes précautions aussi. Moi, j'ai un collègue de boulot, 10 ans après la retraite, il se met avec une compagne de 30 ans de moins, c'est-à-dire de l'âge de sa fille, et il se retrouve avec un gamin. Et lui, il fait un Alzheimer, et bon, voilà. Et c'est sa compagne qui se retrouve avec son gamin de 5 ans. Enfin, bon, mais pour moi, c'est ubuesque, c'est d'une irresponsabilité totale. C'est quand même à la femme et de gérer son cycle et de gérer sa contraception au risque d'avoir des conséquences médicales par la suite. C'est quelque chose qui n'est pas réglé dans nos sociétés. L'homme, il est quand même... Alors, je ne veux pas faire de généralité, évidemment, mais les hommes, en règle générale, ils sont plutôt peinards de ce côté-là. Olivia. Et quand on tombe enceinte, c'est... Ah mais ouais, mais t'avais qu'à faire attention. Enfin, on est deux pour tomber enceinte, quoi. Moi, si t'es pas là, a priori... Je tombe pas enceinte, donc on est deux à faire attention, quoi. Et les contraceptions pour les hommes, elles existent, quoi. C'est pas rigolo toujours d'avoir un préservatif lors de nos relations, mais il y a des moments donnés dans le mois où c'est peut-être nécessaire si moi je prends pas la pilule. Donc, mais il y a plein d'hommes qui ont pas envie, quoi. Et la vasectomie, ils veulent pas la faire. Est-ce qu'ils veulent vraiment des enfants? Ils savent pas, mais eux, en fait, c'est comme si c'était, comme on dit, quoi, une histoire de bonne femme, quoi. Mais c'est indécent d'entendre ça, quoi. C'est ok, c'est la femme qui porte l'enfant, indéniablement. Hein, a priori, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais en même temps, je trouve ça très dur de dire aussi l'homme, il a pas son mot à dire. Et je pense qu'il y a plein d'hommes, si on leur posait la question, peut-être qu'ils diraient, bah non, moi, je veux pas de cet enfant, quoi. Ou oui, je le veux. Mais on enlève de l'image trop facilement l'homme, comme si il n'a pas son mot à dire dans les deux cas, presque. Et quand vous étiez petit, que vous étiez avec vos copains d'école, est-ce que vous parliez du fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, combien, enfin, est-ce que c'était des conversations? Pas du tout. Je pense que j'ai vraiment aucun souvenir d'une conversation comme ça avec des potes. Non mais vraiment, pas une, quoi. Et maintenant? Pas beaucoup plus. Je m'appelle Romain, je suis architecte, j'ai 31 ans. J'ai jamais voulu explicitement avoir des enfants. C'est quelque chose qui est venu progressivement. En fait, au début, c'était pas une question. Enfant, j'ai grandi dans une famille avec deux frères et sœurs. Et pour moi, ça a toujours été assez évident que plus tard, j'aurais une famille avec plusieurs enfants. Enfin voilà, un peu reproduire le schéma dans lequel j'avais moi-même vécu. Maëlle, compagne de Romain. Donc je pense que je me posais pas trop de questions, mais voilà, c'est un peu ce que j'imaginais. Des chiens, des enfants, couple classique, hétéro, quoi. C'est vraiment plus tard, vers la fin de mes études, où j'ai commencé un peu à réfléchir aussi parce que des gens ont commencé à avoir des enfants autour de moi. Et puis aussi, la personne avec qui j'étais avait pas forcément envie d'enfants, donc on commençait à en parler un peu. On s'est rencontrés pendant nos études, donc c'était il y a une dizaine d'années. Après, je sais pas, je suis vraiment dans un milieu où j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des enfants autour de moi. Je sais pas si c'est lié au fait que tout le monde ait fait des longues études et les gens rentrent tout juste en fait dans le monde du travail. Ou alors ils essayent carrément de monter leur boîte. Et puis je vis dans un milieu aussi où la plupart des gens autour de moi sont des artistes. Et du coup, ils ont pas de stabilité en fait financière. Ou ils bougent, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils savent pas trop où ils veulent habiter. Il y en a qui déménagent tout le temps. Donc je pense que ça encourage pas à se poser ce genre de questions non plus, quoi. Donc on vit ça de manière assez tranquille, finalement. Je sais pas pour ma copine, mais moi je vis ça de manière assez tranquille. Je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, la première fois que j'en ai vraiment parlé à des amies filles. Et on en a parlé longtemps en plus, ouais, parce que je leur ai dit, voilà, je pense que je veux pas d'enfant. Alors elles savaient déjà que mon conjoint voulait pas d'enfant, et du coup pour elles ça découlait un peu de ça. Et du coup c'est la première fois que je leur ai vraiment dit, non, c'est parce que j'ai vraiment réfléchi, et enfin je commence à y réfléchir, et je trouve que c'est pas la vie que je veux, etc. Et c'est vrai que c'était assez surprenant pour tout le monde. Et après, je pense que plus récemment, enfin maintenant, depuis quelques mois, je pense, j'essaie de le construire aussi en faisant un peu de lecture, en intégrant une réflexion un peu plus générale, je pense liée au féminisme aussi. Mais peut-être aussi parce qu'on me demande des arguments, et j'ai envie un peu de muscler, alors que j'ai déjà la décision, elle est déjà prise en moi. Alors pourquoi l'intellectualiser? Pourquoi il faut absolument trouver des raisons? Et pourquoi pas juste dire, bah voilà, j'en veux pas, puis on verra demain, quoi. Statistiquement, ce qu'on avait remarqué avec notamment Magali Mazui, c'est qu'en effet, la question du diplôme pour les femmes joue un petit peu sur les intentions de fécondité. Charlotte Debest, sociologue. Déjà, le temps des études, je suis persuadée que le temps des études, c'est un temps, c'est aussi un temps pour soi. Ça permet de se poser des questions, de prendre différents virages, ça permet de prendre le temps. En général, quand on fait des études, on peut avoir accès à des postes avec peut-être plus d'épanouissement, où on est valorisé en fait par autre chose que la maternité. Et oui, ça serait peut-être presque un étendard d'émancipation féminine, en fait. C'est peut-être comme ça que dans certains milieux, ça peut être dit ou vu, et ces femmes qui s'émanciperaient en fait, du poids de la maternité pour éventuellement... être les égales des hommes, pour avoir un métier à responsabilité, enfin pour faire ce qu'elles veulent en fait. Quand on essaye de voir les motivations des personnes et ce qu'on peut en déduire en termes de comportement, on peut dire que les grands arguments de nature idéologique, ne pas faire d'enfants pour ne pas faire des soldats de la chair à canon, ne pas faire d'enfants parce que le monde va tellement mal qu'ils seront malheureux, ne pas faire d'enfants pour sauver la planète, ou au contraire, faire des enfants pour la patrie, faire des enfants pour sauver le système de retraite. Tout ça, c'est bien gentil, mais non. Dans le secret des alcôves, quand les couples décident d'avoir des relations sexuelles et d'arrêter la contraception, quand on prend cette décision, ben on se projette peut-être par rapport à ses proches, ses amis, les gens de la famille, on se projette en tant que devenant parent, qu'est-ce que ça va vouloir dire en termes de relations de couple, en termes de définition de soi, et on s'intéresse plus tellement à la planète, à la patrie, à tout ça, quoi. Et donc, le fait que ces grandes positions idéologiques, qui sont très importantes a posteriori pour justifier les comportements, et qu'on voit souvent comme discours explicite, assez élaboré, notamment parmi les personnes les plus diplômées, qui vont avoir un discours où ils vont rationaliser leur comportement à partir d'un point de vue sociologique, idéologique ou politique. Mais quand on observe ce que font les gens changent assez souvent d'avis. Donc c'est très difficile pour les personnes de prévoir leur vie sur un horizon de 30 ans. Et c'est plutôt mieux, à la limite, on peut dire les aléas de la vie sont comme ils sont. Et c'est pas tellement une catastrophe d'avoir des enfants, et c'est pas non plus une catastrophe de pas avoir d'enfants. Donc ça s'est précisé, mais j'ai pas vraiment encore construit un discours complet, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément des arguments ? Non, il faut pas forcément des arguments. C'est sûr, mais c'est ça, c'est qu'en fait on peut avoir un désir d'enfant sans avoir à l'expliquer, et j'aimerais bien aussi qu'on puisse avoir un désir de pas avoir d'enfant sans avoir à l'expliquer, mais souvent on est aussi confronté à des gens qui nous demandent mais pourquoi ? Parce qu'en fait le postulat de base c'est tout le monde, enfin toutes les femmes, en tout cas les hommes je pense c'est un peu différent, toutes les femmes sont censées faire une famille, si tu désires ne pas faire une famille, pourquoi ? En fait j'ai jamais dit que je voulais pas d'enfant de manière ultra explicite, c'est juste que à chaque fois qu'on en discutait, je posais la question du pourquoi avoir des enfants. Et en fait, c'est juste que j'ai pas besoin d'avoir des enfants. C'est pas que j'en veux pas, que j'en aurai jamais, mais j'ai pas besoin d'avoir des enfants. Je peux transmettre autrement. Je vais pas mettre à la place des gens qui ont envie d'avoir des enfants. Ils ont tous certainement des bonnes raisons, quoi. C'est juste que il y en a aussi qui font des enfants pour des mauvaises raisons. Ça, c'est évident, mais je veux dire. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que vous pouviez ne pas vouloir faire d'enfants pour de mauvaises raisons ? Par exemple, si vous êtes dans un idéal, disons, égalitaire entre les hommes et les femmes, est-ce que vous auriez peur, en faisant un enfant, de reproduire fatalement une situation qui désavantagerait plus votre compagne que vous ? Ouais, ça par contre, c'est tout à fait possible. De même qu'à la maison... On essaye de partager au mieux les tâches, les charges mentales et tout. Je me rends compte qu'il y a des trucs où parfois je suis pas à la hauteur, quoi. Et du coup, j'imagine que ça pourrait tout à fait se retrouver dans l'éducation d'un enfant, ouais. Ouais, carrément. Parce que je pense que c'est plus facile pour les gens, enfin pour les hommes en tout cas, de se dire qu'ils veulent des enfants parce que finalement ça va peut-être pas changer grand chose à leur vie comparé à celle de leur compagne, quoi. Et c'est aussi pour ça que moi je prends la décision de pas en faire, c'est que je vois trop ce que ça va changer en fait sur ma vie si je veux essayer de faire les choses un peu correctement, quoi. Alors c'est pas qu'ils ont de beaux rôles, mais quand même, quand ils s'en occupent, c'est génial, ça passe pour des héros et ça devient mon papa qui est formidable et qu'on loue pour le fait d'être père, alors que franchement, on leur demande juste de faire la moitié, ils en font un tiers et déjà c'est des héros. Camille, évidemment, il a moins la charge mentale que moi, je gère énormément de choses, même si vraiment on tend et on en parle beaucoup de est-ce que tu pourrais prendre ça en charge, est-ce que le médecin ça pourrait être toujours toi, bon, ok je gère les vêtements, le quotidien, enfin on essaie de se répartir au mieux les tâches, n'empêche que je le sens bien, je le vois bien. La balance penche toujours de mon côté, c'est toujours moi qui gère un peu plus le gosse et ça me pèse doublement, enfin je suis contente de m'en charger mais le déséquilibre me pèse parce que je me réclame féministe et que c'est difficile de, encore une fois, d'être en couple hétérosexuel, c'est complexe en fait d'être et féministe et en couple hétérosexuel et donc désirer un enfant quand on est un homme, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile parce que de fait inconsciemment ils savent qu'ils vont pas s'en occuper autant que nous, mais oui. Moi, j'ai entendu un copain me dire « on ne peut pas refuser un enfant à une femme ». J'étais estomaquée. Je me disais « mais où va se loger la virilité, quoi, dans des trucs pareils ?» Pour moi, c'est étrange. C'est, on n'est pas que des reproducteurs, bon sang. Je me rappelle une réunion il y a 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être, avec un groupe dans un lieu collectif. Et j'avais dit à des garçons qui avaient 20 et quelques, je leur avais dit, il vous faut réfléchir quand même. C'est un engagement, mais c'est une réflexion politique qu'il faut avoir sur le fait d'être père actuellement. Mais ça, c'était pas comme ça que ça se situait quand j'avais 20 ans. C'était pas du tout ça. Alors que maintenant, je crois qu'il y a cette dimension-là. Au bout d'un moment, avec Marie, là, avec mon ex, Johan, on est parti en voyage et du coup, moi, pendant ce voyage de 3 mois au Japon, j'avais décidé que j'allais me poser la question assez intensément, quoi, de est-ce que je veux vraiment fonder une famille. L'horloge biologique, je sais pas si elle existe, mais en tout cas, j'avais un peu ce truc-là de avant 40 ans, un truc comme ça, faudrait au moins avoir commencé. Et puis on s'est séparés. Après cette séparation, et ben, je me suis dit que j'allais me laisser un an pour décider si je faisais, si je me stérilisais ou pas, parce que j'avais pas envie de refaire cette expérience un peu douloureuse de couple où on a des projections différentes et on se sépare en fait pour ces projections différentes. Elle voulait vraiment avoir des enfants. J'avais pas envie de la mettre devant le choix d'avoir des enfants ou pas pour rester avec moi. J'avais vraiment l'impression que j'allais lui enlever quelque chose qui était assez constitutif d'elle, de sa personne. Et vous n'avez pas souhaité profiter de votre avantage masculin qui fait que vous avez la possibilité de vous poser la question beaucoup plus tard? En fait, j'avais surtout pas envie de me réengager avec une femme en n'ayant pas répondu à la question moi-même. Alors, si on pense en termes un peu binaires, ce que ça signifie pour un homme, ça reste une hypothèse. Parce que moi, j'ai eu 18 hommes dans mon corpus que j'ai enquêté. Charlotte de Best. Alors, un certain nombre, c'était en fait quand même pour suivre la volonté de leur compagne. Donc, c'était presque un choix d'amour, en fait, presque, de leur compagne, qui était donc à l'initiative ou à l'origine de cette volonté de ne pas avoir d'enfant. D'autres, c'est quand même s'émanciper du poids biologique quand même, hein, de ne pas pouvoir être envisagé comme géniteur. Et je pense que c'est pas rien pour les hommes. C'est-à-dire que d'être aussi potentiellement aimés juste pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient donner à une femme qui serait en demande d'enfant, par exemple. Notamment pour les hommes, mais ça reste encore rare, même si peut-être ça aussi ça bouge un peu, les mouvements autour de la vasectomie, mais il y a quand même cette idée, et quand même d'enlever une petite part, pour reprendre Paul Aptabette, s'enlever une petite part peut-être de virilité, parce que quand même, un homme puissant, c'est aussi un homme qui peut féconder des femmes. Donc c'est aussi des hommes qui admettent le fait qu'ils s'enlèvent Ils s'enlèvent pas la part de devenir papa, ils s'enlèvent la possibilité de devenir père, de transmettre leur nom. Enfin, c'est-à-dire que tout est quand même construit dans nos sociétés encore très clairement inégalitaires sur le nom d'une lignée, sur la descendance, sur l'héritage, sur les noms de famille, sur même aussi au niveau des gènes, enfin bon, au niveau des ressemblances, au niveau des familles. Enfin, il y a quand même ça qui est encore très fort. Donc ces hommes qui ne veulent pas d'enfants, qui refusent d'avoir des enfants et éventuellement qui vont jusqu'à la vasectomie, c'est des hommes peut-être qui font quand même un pas de côté par rapport à une forme de virilité ou à une forme de domination masculine qui passe encore aujourd'hui par le fait de féconder des femmes. Lundi 8 octobre 1979. Chère madame, j'ai 33 ans, trois enfants de 13, 12 et 8 ans, et je voudrais vous parler maintenant d'un problème capital pour un couple. Peut-être que notre expérience pourrait servir à d'autres couples. Je veux parler de la contraception. Par suite de mon état de santé, il m'était impossible de continuer de prendre la pilule. La pose d'un stérilet n'était pas possible non plus. Mon mari s'est formellement opposé à ce que l'on me fasse la ligature des trompes. Il a pensé que j'avais bien fait mon travail de maman et que c'était à lui de prendre notre contraception en main. Il a donc décidé de se faire faire une vasectomie. Nous sommes allés voir mon gynécologue qui nous a envoyés chez un chirurgien. Coût de l'intervention, 350 francs, remboursés intégralement par la Sécurité sociale. Pour les journées d'arrêt, il a fallu se battre. Notre gynécologue nous a aidés, nous avons joué la carte de la vérité et nous avons été remboursés. L'acte médical étant jugé acte thérapeutique. Lorsque tout le monde aura compris que la contraception est une affaire de couple et non de femme, là sera la victoire. Et c'est ce qu'il faudrait aller clamer dans les rues. Bien amicalement, Marie. Donc au retour de ce voyage, j'ai cherché un petit peu autour de moi des gens qui avaient fait une vasectomie. Ça avait l'air d'être une opération assez banale, en fait, de notre côté, en tout cas homme, cette stérilisation. Enfin, assez banale, je veux dire, sans trop de risques. J'avais déjà les contacts d'un médecin. Donc, bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a directement donné le numéro de quelqu'un qui était plutôt promoteur de cette pratique. Puis j'arrive, enfin, je pense que je suis dans les cadres aussi de ce qu'attend la médecine, quelqu'un qui s'exprime bien, qui est poli, qui... Et du coup, en fait, pour moi, j'ai pas eu du tout de difficultés. Donc, je suis allé à Toulouse, là, à cette clinique de la fécondité et de l'enfant. La personne était très claire. Ce qu'elle m'a appris, c'est que, en fait, c'est une opération qui se fait depuis très longtemps. Je crois que la première a été faite fin 19e siècle, où c'était plus des problèmes de sortes de petits cancers ou de nécroses qu'il pouvait y avoir sur les testicules. Ils ont essayé de couper donc ce canal, c'est ce tout petit canal en fait qui fait 1 mm. Et en fait, ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème pour continuer sa sexualité et que voilà, c'était assez bénin. Par contre, il m'a bien montré en faisant un point avec un bic sur une feuille, mais juste un point, que c'est quelque chose de très petit qu'on allait couper et que du coup, ça allait être difficile de faire quelque chose de réversible. Bon, du coup, moi, de toute façon, je ne voulais pas de réversibilité, ni d'ailleurs de congeler des spermatozoïdes. Parce que pour moi, il y avait plutôt à dire, bon, voilà, en fait, là, c'est bon, je fais mon choix. Voilà, j'ai pas envie de revenir en arrière. Et pourquoi vous pensez que vous avez voulu aussi clairement formuler la question et apporter une réponse aussi définitive? Déjà, en termes de contraception, en fait. Forcément, les femmes font ce qu'elles veulent avec leur contraception. C'est beaucoup elles, de toute façon, sur lesquelles ça repose. Et du coup, moi, en tout cas, j'avais pas envie que ça repose obligatoirement que sur elle. Enfin, pour moi, le couple, c'est quand même des projets communs qu'on va faire ensemble. Enfin, je me disais que c'était aussi ma part de me poser la question pour pouvoir m'aborder, entre guillemets, quoi. Ce qui a été le plus questionnant pour moi, c'est les réactions de mes proches quand je leur disais que je voulais me faire vasectomiser. Marco. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui essayaient de me convaincre de ne pas le faire, ou en tout cas qui étaient très surpris que je veuille faire ça, un peu choqués, certaines. Je me souviens notamment de 3 ou 4 personnes qui m'ont dit si tu rencontres une femme que vous êtes complètement, vous êtes super amoureux et qu'elle veut absolument un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc moi je répondais justement, je préfère prendre une décision de sang-froid quand je suis pas amoureux plutôt qu'une décision sous le coup de l'amour et que je regrette après. J'ai fait le pas de contacter un urologue, prendre rendez-vous. Et en fait, pour moi, c'est vite apparu que ça m'empêche pas d'avoir un enfant. Parce que je dissocie la fonction reproductrice de la fonction éducative. Et donc, il y a plein d'autres façons d'avoir un enfant que par relation sexuelle. Du moins, ça peut être un autre homme qui féconde, ça peut être un don de sperme, ça peut être une adoption, ça peut être plein de choses différentes. Donc, dans l'absolu, ça m'empêchait pas d'avoir un enfant. Et du point de vue éthique, c'était complètement cohérent. D'autant plus dans le monde d'aujourd'hui où on a des vies très cloisonnées, très individualisées. Et je trouve que c'est dur pour les enfants de grandir dans ce monde. Moi, je pense que j'aurais vraiment mieux vécu d'avoir beaucoup plus d'adultes référents dans mon éducation, plus de diversité culturelle, plus de possibilités. Et je trouve que c'est super enrichissant pour un enfant d'avoir ça. Et donc, dans mon choix de pas avoir d'enfant à moi, c'était aussi de me dire, les enfants des autres sont aussi mes enfants à moi, je peux passer du temps avec des enfants qui sont pas les miens. Et, ouais, et du coup, dans cette année-là, j'ai aussi accueilli un jeune migrant. Johan. Qui venait de Guinée-Conakry. Il avait déjà 17 ans, il était très débrouillard, il n'y avait pas trop d'éducatif à faire. Mais en tout cas déjà, moi je voyais bien que je correspondais pas à cet idéal de cocon qu'il aurait recherché ou de famille même d'adoption. C'est-à-dire que moi en fait j'avais plein de choses à faire, c'était la grosse effervescence au niveau politique. Et en fait, moi, j'ai bien vu aussi que pour moi, en fait, c'était assez dur de rentrer le soir pour voir un ado qui peut-être serait là, mais peut-être serait pas là. Peut-être il serait là, mais il n'aurait pas vraiment envie de me voir. Je me suis dit, alors là, ce côté-là, notamment de rentrer, d'être obligé de rentrer à la maison pour ne pas être sûr, en fait, que l'autre sera disponible alors qu'on rentre pour lui, ça, j'ai très mal vécu. J'ai compris pourquoi mon père avait du mal à rentrer du travail ou des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que j'ai bien compris que moi aussi, en fait, je voyais beaucoup de sens. Donc ça, c'est sûrement très masculin. Mais je vois beaucoup de sens à mon activité à l'extérieur et finalement assez peu à mon activité à l'intérieur. Qu'est-ce que prendre cette décision d'avoir recours à la vasectomie, ça a changé dans votre relation à vos partenaires ? Alors je pense que c'est variable selon les compagnes. Et la dernière que j'ai rencontrée, avec qui je suis depuis 6 mois, elle a un très fort désir d'enfant. Marco. Et c'est là que c'est presque drôle que ce que me disaient mes amis avant se réalise. Et du coup, là on est... En plus, c'est vraiment une relation... très belle, très solide et qui je pense va être vraiment durable. En tout cas, elle commence très très bien. Et on a ce nœud que elle tient beaucoup à avoir un enfant et moi je m'étais vraiment sorti ça de l'esprit d'avoir un enfant. Donc on en parle un petit peu. De temps en temps, tout doucement, ça va faire son chemin. Au début, je me suis dit, que dans l'absolu, elle peut faire un enfant, que c'est pas le mien, et que ça m'empêche pas de l'aimer et de rester avec elle. Mais concrètement, ça peut pas marcher de me dire que c'est pas le mien, parce que si je vis avec lui, il va y avoir un gros attachement, je vais m'engager auprès de lui. Il y a une relation qui va se créer entre lui et moi et finalement je peux pas dire que c'est pas mon enfant. Donc quoi qu'il en soit, c'est un choix collectif qu'on doit faire. Est-ce que je suis prêt à avoir un enfant? Quand même. Je sais pas, c'est plein de questions qui sont ouvertes. Alors ce qui me fait peur, c'est pas les questions en elles-mêmes, ce qui me fait peur, ce serait de les prendre trop vite. Qu'elles soient plutôt pressées. Elle l'est ? Elle l'est plutôt, ouais. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie ? Ma liberté. Je me sens plus libre, en fait. Et plus enfant. Voilà. Je crois que jusqu'à l'accouchement, je ne me suis jamais sentie adulte. Avoir une maison, j'étais pas adulte. Avoir un diplôme, avoir un métier, gagner enfin ma vie correctement avec mon métier. Il n'y a rien qui m'a fait basculer. Et là, j'ai l'impression que je suis devenue adulte. Et c'est affreux. Et avant, j'avais pas de cadre. Et je pouvais. Voilà, en fait, l'absence de cadre faisait que je pouvais penser, que je pouvais dans toutes les directions. J'avais fait mon deuil, je crois, à 16 ans ou 17 ans, de me dire bon, jamais fait de danse classique, hein, mais me dire il y a un truc là que tu pourras jamais être, c'est rat de l'opéra et danseuse étoile. Et c'est drôle, mais je me souviens m'être fait cette réflexion en me disant ok, ça c'est mort. Après, tout le reste est possible. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même deux, trois choses où. Qui sont plus faisables. Mais pour être très honnête, et soyons honnêtes, avant de décider d'avoir cet enfant, c'était déjà la fin d'un cycle. Au moment où j'ai voulu cet enfant, en fait, je me suis rendu compte que déjà c'était la fin de plein de choses, que déjà j'allais plus faire la chouille pendant des férias avec mon groupe de musique à pas dormir pendant 3 jours. Et à regarder des mecs vomir sur les trottoirs. Enfin, tout ça était passé, en fait. Ça y est, c'était fini. Et il y a eu la place pour avoir ce désir d'enfant. Ça aurait pu être autre chose. Mais comme je ne suis pas un génie, et encore une fois, pas Simone de Beauvoir non plus, ben, ça a été un enfant. C'est assez tragique à dire comme ça, mais c'est ça qui est venu à ce moment-là. Pour votre thèse, Charlotte Debesse, vous vous êtes entretenue avec des dizaines de personnes qui avaient choisi de ne pas faire d'enfants. Je voudrais poser une question, non pas à la sociologue, mais à l'individu. Est-ce que, à un moment, à titre personnel, ça vous a convaincu de ne pas faire d'enfants ? C'est pas que ça m'a convaincue de pas en faire, de parler avec des personnes qui voulaient pas d'enfants. C'est que je me suis dit qu'ils avaient vraiment raison. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, je continue, quelle que soit ma trajectoire de vie, à les porter. Enfin, je crois vraiment que je continue de porter leurs paroles. Je comprends. Enfin, je veux dire, ils ont rationnellement absolument complètement raison. Voilà. Après, comme vraiment, je pense que j'étais pas, quand je commence ma thèse, dans une interrogation sur est-ce que moi j'en veux pas. Enfin, je crois vraiment... Je sais pas encore exactement ce que je cherchais, mais c'était pas ça. Voilà. Donc, en ce sens-là, ça m'a pas convaincue, ou dans un sens ou dans l'autre, mais... ce qui est sûr, c'est que oui, ils ont raison. Mais est-ce que justement, au moment où vous avez décidé de faire un enfant, toutes ces paroles, ces recherches que vous avez rassemblées sont venues interférer avec votre propre expérience ? Oui, forcément. Le bouquin Sorcière de Mona Chollet, je ne sais pas s'il sortait à peu près au même moment, mais j'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup, donc en 2019, 2018-2019, et il y a un chapitre, j'ai pas pu le lire, oui c'est sûr, pendant que j'étais enceinte. Parce que c'était trop compliqué. Henri Le Ridon, par exemple, qui écrit Les Enfants du Désir, dit qu'en effet, pour faire des enfants, il faut lâcher à un moment donné, il faut oser sauter dans le grand bain de l'irrationalité. Donc c'est sûr que si... oui, on a travaillé théoriquement cette question, sociologiquement cette question. On s'attend à passer par des discours ultra contraignants, ultra normatifs, ultra genrés, ultra... Bon, voilà. Et que malgré tout, je ne sais pas pourquoi, mais on a mis un pied dans le grand bain de l'irrationalité. Oui, on ne peut pas frontalement se prendre voilà, un discours extrêmement rationnel avec lequel on est d'accord, qui invalide l'expérience qu'on est en train de vivre. Alors, il y a des hauts et des bas. Évidemment, je ne peux pas dire que je ne veux pas d'enfant, j'en ai un, mais je me sens pas très dans la communauté des mamans, par exemple. Parce que ce désir de non-maternité pendant des années, il est encore là, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que je me sens pas très mère. Par exemple, j'ai du mal à dire mon fils. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais enfin, les mots ont quand même un poids. Le fait que j'ai du mal accepter qu'il m'appelle maman. C'est fait maintenant et c'est chouette. C'est sa petite voix qui le dit, c'est vraiment c'est chouette. Mais c'est pas, je me définirais pas du tout comme ça. Par exemple, j'ai annoncé à personne que j'avais eu un enfant. Alors, c'était le confinement, c'est vrai. J'ai été enceinte confinement, ça s'est déconfiné, puis reconfiné. Enfin, et par exemple, pour mon travail, je voulais pas qu'on sache que j'avais un enfant parce que, et c'est horrible et c'est sexiste, mais les femmes qui ont des enfants, on les embauche moins parce qu'elles ont des enfants. Bon, bah, je l'ai pas dit à mon cercle de travail. Alors, ça a fini par se savoir, mais très peu. Mes amis, je les voyais pas, on était en confinement. Je leur ai pas dit, et je pense qu'il y a des amis très proches, mais que j'ai pas vu depuis quelques années, mais qui ne savent pas que j'ai eu un enfant, et ça me dérange pas trop. Et est-ce que ça pourrait aussi être la honte d'avoir changé d'avis ? Complètement. Alors, je mettrais pas le mot honte, peut-être que c'est ça, hein, mais ouais, j'étais pas fière. J'étais vraiment pas fière d'avoir changé d'avis. J'étais là, ah, je me sens un peu pisseuse. Et surtout, j'avais l'impression d'abandonner toutes ces femmes qui choisissent de pas avoir d'enfants et qui s'y tiennent. Ne pas, ne pas, ne pas. Ne fais pas, ne pose pas, ne prends pas. C'était changer d'avis ou pas. Ne ronge pas, ne parle pas. Petits arrangements avec sa conscience féministe. Ne parle pas, ne parle pas. Avec Charlotte Debest, Camille Masclet, Laurent Toulmont, Françoise, Maëlle, Marco, Martine, Olivia, Camille, Romain et Johan. Merci à Marine Chazelle, Anne de Balmorche, Denis Garnier, Anne-Sophie Giraud et Claire Cache-Couche. Ne pose pas tes sourcils sur la table. Lecture Nathalie Canoui et Mélodie Auru. Dans le même panier. Attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Ne mets pas tes pieds dans ta poche. Coordination Perrine Kervran. Ne mets pas tes prise de son Éric Audra, Bruno Mourlan et Romain Lenoir. Mixage Éric Boisset. Non merci, pas d'enfants, une série de Manon Prigent réalisée par Anne Fleury. Ne ronge pas tes orteils, ne mets pas tes oreilles dans ton nez, ne mets pas tes oreilles dans ton nez, ne mets pas tes pieds dans ta poche. Surtout, si tu es kangourou.